Pas de panique. Jeff me dit dans l'oreillette que le matériel informatique est de nouveau sous contrôle. Je vais vous demander de rester assis, il va falloir prendre votre mal en patience. Les équipes de sécurité du stade sont actuellement en train de fouiller les bureaux et les vestiaires pour savoir si le pirate s'y trouve. Papa, tu as l'air de connaître cet homme. Qui est-ce ? C'est Grindelwurn. Qui ça ? C'est bien normal que tu ne le connaisses pas. C'était même avant que je sois né. Il s'appelle Ganon Grindelwurn. C'était un ami d'enfance de Dumbanoa. Il y a une dizaine d'années, j'avais annoncé à maintes reprises dans mes éditos du Rat d'Auteur qu'il reviendrait un jour. Et tu avais évidemment raison. Mais dis-nous en plus. Très bien, ma chérie. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de recherches sur lui et que c'est intimement lié à l'essor du monde otaku. Ça risque de prendre un moment. On est coincé ici de toute façon. Avant tout, il faut savoir que notre culture s'est développée voilà seulement une centaine d'années. Le livre très connu de l'histoire de Jobar raconte des tas de choses, pour peu qu'on sache lire entre les lignes dans un flot d'inventions pour alimenter le folklore, auquel j'avoue avoir un peu participé dans ma fougueuse jeunesse. De quoi ? Il y a des choses inventées dans le livre ? C'est-à-dire, bon, c'est plutôt sujet à interprétation. Pour bien comprendre cette histoire, on va devoir remonter en 1560 durant l'âge féodal japonais. Grâce au Meditations 3000 Platinum Edition, l'incroyable machine à lire dans les souvenirs, en vente sur le dark web ou sous ordonnance, ce que vous allez écouter est une reconstitution faite par les plus grands otakulogistes. On branche et... Vous avez encore fêté la victoire ? Je me suis demandé si j'allais enfin te voir cette nuit. Ça n'est que le début. Tu ferais bien de t'y habituer, car je compte unifier tout le Japon. Je veux bien te croire, Nobunaga, mais ce soir, tu es à moi. On dirait que tu apprécies d'être la compagne d'un homme célèbre. Mais je me suis habituée depuis un certain temps à la célébrité du Daimyo Oda. Quand tu dis ça, Kitsuno, j'ai toujours l'impression que l'on parle de mon père. Même si le terme de chef de clan Daimyo me va bien plus qu'à lui. Cette bataille d'Okiazama a fait grand bruit. Tu es trop téméraire. Il faut que tu fasses plus attention. À présent, mon domaine est bien plus grand. Je me demande comment cet idiot d'empereur Ugimachi a réagi en l'apprenant. Tu ferais mieux de lui apporter ton allégeance. Enfin, nous verrons cela un autre jour. Allez, une petite partie de shogi avant d'aller nous coucher, monsieur le noble ? Encore ce jeu ? J'ai beau être un grand stratège militaire, tu me bats à chaque fois. C'est bien pour ça qu'on doit y jouer. Et dépêche-toi d'apprendre parce que je compte bien l'enseigner à notre fils. Je vais faire de mon mieux, mais je ne te promets rien. Je me demande pourquoi tu attaches autant d'importance à tous ces jeux, à la cérémonie du thé, au théâtre no, ou même à ce Shinigami no Kira. D'ailleurs, je n'ai jamais vu autant de balles et de règles dans un seul sport. C'est ridicule. La culture, il n'y a que ça de vrai. En temps de guerre, j'ai peur que nos traditions disparaissent. Il n'y a pas de raison. Il y aura toujours des gens pour s'en occuper. Toi qui es devenu un grand homme maintenant, tu devrais faire quelque chose à ce propos. De quoi ? Mais je n'ai pas le temps. Très bien. Alors, laisse-moi m'en charger, Nobu. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Et si nous faisions bâtir un lieu sacré, à l'écart de la guerre, où des moines shintoïstes transmettraient la culture japonaise ? Tu veux construire un temple ? Exactement. Il y a quelques îles montagneuses au large d'Edo qui pourraient l'accueillir. Ton enthousiasme est ce que j'ai toujours adoré chez toi. Très bien, c'est d'accord. Mais il faudra qu'il respecte les traditions jinja, et qu'il soit dédié au kami Hachiman. Le dieu de la guerre ? Ce n'est pas trop dans l'esprit de transmission de connaissances, mais... soit, j'y consens. Nous pourrions appeler le temple, par un nom moins belliqueux. Tiens, la rivière où nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Kyushu, comment s'appelait-elle déjà ? Je ne l'oublierai jamais. C'était... Jobaru. Oda Nobunaga et sa compagne Ikoma Kitsuno étaient donc les fondateurs de Jobar. C'est vrai qu'il y a un lieu peu connu de l'école derrière chez Harid avec une allée de torii, ces portails rouges traditionnels, qui amènent vers une statue de Hachiman. Rien à voir avec mon ami Hachipo, à part ailleurs. Et donc, quel est le rapport avec Grindelwurn ? Oui, ma chérie, j'y viens. À la fin du 19e siècle, une famille d'immigrés japonais vivait en Angleterre. C'était les Dumbanoa. Un jour, le carrosse de Werceval Dumbanoa, le père de Jabus, tomba dans un profond fossé, tuant sa mère sur le coup. Un ivrogne le sauva avec pour première intention de lui dérober ses objets de valeur. Mais Werceval crut en l'altruisme de l'homme et à la mort de celui-ci 2 ans plus tard, il recueillit son fils. Grindelwurn. Tout juste, Ganon Grindelwurn se lia d'amitié avec Jabus, mais en son fort intérieur le traitait comme une sorte de rival. Aux alentours de leurs 10 ans, Werceval décéda à son tour d'une maladie. Ils furent tous deux envoyés à Jobaru pour y faire leurs études selon la volonté de leur père très croyant. J'avais discuté avec le frère de notre ancien directeur, Javel Ford Dumbanawa. Quand l'école était sous le contrôle des méchants, on passait par un tunnel secret pour lui demander à manger. Il était aussi à l'école avec eux. Et c'est grâce à toi que j'ai pu mettre la main sur ce souvenir qu'il m'a donné. Je voulais le garder pour une édition spéciale dans quelques mois, mais je sens que c'est devenu plus important maintenant. Ce que je vais à présent vous faire écouter date de 1904. Javel Fort devait avoir 12 ans et eux 15. Une exclusivité signée Pegasus Yogurt pour le radoteur. Le mensuel, toujours sur le coup. Bon, bah j'ai pas trop perdu la main, on dirait. Encore une égalité, Jabus. Non, mais là, c'est parce que je te ménage, hein. La dernière fois que t'as perdu, t'as failli casser le goban sur la tête du professeur Shusai. Ce type a le don de m'énerver. À l'exception du go, il n'a aucune maîtrise des autres arts japonais. Ça, c'est bien vrai. La dernière fois qu'il a tenté de remplacer le professeur de sport de Shinigami no Kira, il a même pas réussi à lancer la balle correctement. Il était pathétique. Quel boulet, ce mec. Ah tiens, au fait, je voulais te montrer ça, Ganon. C'est quoi? Le cahier des prédictions. Vas-y, lis-le, ça va te plaire. Alors, en l'an 1914, un homme arborant un masque de kabuki tuera un noble. Cet acte déclenchera une suite d'événements qui mènera le monde à la guerre totale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je m'ennuyais pendant le cours de calligraphie, alors j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Ça reste à développer, mais je me disais qu'avec ton adresse à la réalisation des stamps, on pourrait les mettre en scène. En tout cas, les autres de la classe ont bien aimé. Ils ont certainement préféré ça à tes haïkus. La poésie, c'est trop compliqué pour eux. Enfin, tant que tu ne chantes pas, moi ça me va. Alors, voyons ça. 1920, l'homme au kabuki charge ses adeptes de confectionner les Yamino-san Daihiho. Les trois reliques du monde des ténèbres. J'ai repris le concept des trois trésors sacrés du Japon. Ça en jette, hein? Tu vois, là, c'est un dé de la chance. Le deuxième, un kimono d'invisibilité. Et le dernier, un bandeau guérisseur. Ah oui, t'es allé loin, Dumby, dis donc. 1926, un jeune homme provoque une panique générale en lâchant des tanuki dans New York. Il récidivera quelques années plus tard avec un cirque itinérant. Ouais, c'est un peu stupide ça, tu peux sauter ce passage, j'ai écrit à l'instinct. Mais tu sais, je sens que quelque part, Bouddha guide mes mots. Je trouve ça plutôt intéressant. 1937, l'homme au kabuki choisit son futur héritier. 1945, à la fin de cette nouvelle guerre durant laquelle l'homme au kabuki fut impliqué, il affronta le héros de l'humanité dans une lutte sans merci. Et ça s'arrête là? Pour le moment, j'ai écrit que la fin. Regarde à la dernière page, la destruction du monde dans les années 2010. Ouais, tu aurais pu t'appliquer un peu plus. Attends... T'as vu quelque chose, Ganon? Ah, ça doit être une de ces gamines de première année qui nous suit. Que veux-tu? On est trop populaire. Je vais aller lui demander gentiment de partir. Qu'est-ce que tu fais là, Javel Fort? Tu n'as pas cours optionnel de broderie, ou bien d'Ikebana? Arrête de traîner avec Jabus Grindelwurm! T'as une mauvaise influence sur lui! Notre père voulait qu'on respecte la vision culturelle des fondateurs! Tu as vu ce que Jabus a écrit? C'est du grand n'importe quoi! Au contraire, je trouve ça plaisant. C'est bien plus drôle que la plupart des romans soporifiques de la bibliothèque. Mais dis-moi, c'est quoi ton problème? Serais-tu jaloux? Ferme-la! Jabus va finir par mal tourner si tu restes avec lui! Oh, je t'en prie, Javel Fort, sois un peu plus poli avec ton aîné. Tu ne voudrais quand même pas que je fasse venir la bande des Axas Malfaits. Non, surtout pas. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Hé, j'avoue... Voyons, cher petit frère, sois gentil. Après tout, je suis ton ami. D'après Javel Fort, son frère s'est vite lassé de son cahier. Il a continué à fréquenter Grindelwurm pendant un temps de manière assez, disons, fusionnelle. Et cette amitié donc s'arrêta après leur diplôme en poche. Chouette, enfin ça passe à du yaoi. Non mais c'est juste que... Bref. Bien entendu, Grindelwurm prit tout ça bien trop au sérieux. Et c'est 10 ans plus tard qu'un homme avec un masque de kabuki fit son apparition, disant s'appeler Ami. Grindelwurm s'était mis en tête de réaliser toutes les prédictions du cahier une à une. Mais les trois reliques, c'est bien celles que cherchait tu sais pas qui, celle du comte des trois sœurs. Grindelwurm avait confié à ses sbires leur confection, même si au final ça ne lui a pas vraiment servi. La seconde guerre mondiale éclata et c'est même à Ami qu'on doit la création du tout premier méca d'histoire. Sauf que Dumbanawa comprit qui il était, le retrouva et le neutralisa. Ce jour-là, il lui a retiré le masque devant tout le monde pour l'identifier. Eh bien, je vous jure qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Johnny Depp. Vous regarderez les photos d'époque, c'est très troublant. Hein ? Oui, enfin, c'est pas le plus important, c'était juste une observation, quoi. Il fut incarcéré à la prison sous-marine d'Impel Down et Dumbanawa créa Jobar en compagnie d'autres excentriques. Les gens ayant un profond respect des valeurs de la culture japonaise furent triés sur le volet et au fur et à mesure, la communauté se créa et d'autres écoles sortirent de terre dans le monde entier. Plus tard, ils ont aussi créé l'Angelic Killer sur la base du jeu sanglant Shinigami no Kira. Oui, je sais. L'école a été rebâtie plusieurs fois en fonction de l'évolution du monde otaku. Ils ont aussi changé les cours et modernisé tout le vocabulaire. La version actuelle de Jobar ne date que du début des années 90. Quand j'y étais, les temples s'appelaient par des noms de mangaka. Et dans l'ombre, comme je le disais, les trois reliques furent créées, volées à plusieurs reprises et leur efficacité améliorée au fil du temps par des familles d'otaku. Il semblerait que Gozaburo Kaiba fut le dernier à travailler sur le dé. Mais alors, l'hologramme qu'on a vu, c'était Grindelwald ? C'est possible, mais quand même, je suis sceptique. On n'a jamais eu la confirmation de sa mort, mais s'il est bien vivant, il doit être âgé d'au moins 110 ans. Dumbanawa et Netero Sensei, le coach de l'équipe du Tibet, ont vécu très vieux eux aussi, mais c'est surtout grâce à la médecine moderne. En tout cas, une chose est sûre. Lorsque vous savez pas qui a fait évader une dizaine de ses partisans Hellboy d'Impel Down et récupérer les gardiens Blugori, il a laissé la porte grande ouverte. Qui sait ? Grindelwald n'a pu s'échapper ce jour-là. Ou bien c'est un imposteur. À l'époque, j'aurais pensé à Sirius Blackjack. Sauf qu'aujourd'hui, il a été confirmé innocent. Et mort. Ah, les autorités commencent à faire sortir les premiers rangs. Soyez sans crainte et gardez votre calme, s'il vous plaît. Je vais bien entendu faire rééditer tous les anciens numéros du Rat d'auteur parlant d'amis. Alors n'hésitez pas à les commander sur notre site. À bientôt et surtout, n'ayez pas peur. Et continuez à suivre la Coupe du Monde. Ah, oh, zut, j'ai l'impression que j'ai laissé mes chaussures dans l'ascenseur.